différence. Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, Planet Rap spécial DJ Amida. Passez une bonne soirée, bienvenue. Il est grand temps d'y aller maintenant pour le Planet Rap, comme chaque soir de la semaine avec DJ Amida. Comment va? Très très bien. En pleine forme? En pleine forme, toujours en pleine forme. À la bien mix party, c'est toujours dans les bacs? C'est toujours dans les bacs, depuis le 2 juin. Ça se passe bien, il fait beau. Que demander de plus? Rien de plus, hein. Juste d'aller pêcher la compil, la moins de 10 balles. Oui, c'est vrai. C'est important. Allez même télécharger légalement, hein, si ouais, vous avez kiffé. Sur iTunes aussi, c'est dispo aussi sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, vous cliquez. Que va-t-il se passer ce soir dans l'émission, Amida? Des surprises, j'ai quelques invités de marque ce soir avec moi, donc, dont un beatmaker que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec lui. Et il a deux artistes aussi qui sont venus avec lui, donc. Ça va arriver calmement. Et ben on va découvrir ça avant 21h. Et là, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Le petit replay de l'émission. Il y a aussi The Magix aussi, qui est un artiste parmi nous là, qui est là. Celui, il a fait Paris-Marrakech, il a fait le morceau avec Daoudi. C'est un mec à qui je travaille souvent. Entre nous, il est sympa, Amida, ou il se la raconte? Sincèrement? Entre nous. Il se la raconte quand même. Est-ce qu'on fait du live maintenant, mais Amida? Est-ce que tu es prêt pour le live? L'artiste, est-ce qu'il est prêt? Je suis là pour faire la fête et profiter du sunshine. Faut pas me prendre la tête. Paris, bye. Je m'envole pour Hammamet ou Kesh avec mes sunshine. Paris, Marrakech, l'artiste est DJ Hamida. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garettes et les bouteilles d'alcool. Je te paye un gin Philippe plein, mais ma chérie faut le remplir. C'est un grand Philippe. Pardon, je vais sortir. Let's stupid, stupid. Si tu y étais, hey wapa picha, faut pas t'inquiéter. Dis-moi comment tu vas, depuis remetté. J'suis super refait, comme un fils d'épicier. Ne m'en veux pas, j'suis pas là, la la la la la la la. J'désactive mes comptes, j'suis avec mon âge, j'suis tout seul. J'efface mon passé maudit, ouais. J'ai mis les bagages en logis. Je suis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu Skyrock. Voilà pour ce replay. C'est vrai qu'on a eu un gros live hier soir. Hein. Ah, hier c'était lourd. Avec l'artiste notamment, Kaina Rimka du 113. Tonton Rimka, qui était pas déconnecté, qui était parmi nous. Il était parmi nous hier soir entre 20h et 21h. Les images sont dispo sur skyrock.fm évidemment. Et tous vos messages, vous les balancez avec le hashtag DJ Amida sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio. Nickel. On écoute déconnecté? Ok. Allez, c'est parti. Coup d'envoi avec Kaina Samet, avec Rimka et l'artiste justement. C'est dans les bacs, la famille. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fan et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle Camille. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la la. Rendez-vous ce soir avec l'artiste de White Dream. Aïe aïe aïe. J'efface mon passé maudit, j'ai mis les bagages dans l'audi. Je vis sous le ciel gris de Paris, mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu écrit, donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge, donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de thune, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. J'ai l'heure, j'ai pris le lard. Grosse dédicace, Kalcha. Aïe aïe aïe, le grand frère. Je me suis déconnecté, je mettrai ce répondeur tout l'été. J'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle gueule. Big up à toi, Pumba Nîmes, la daronne à Pumba, big up. J'active mes comptes, j'suis avec mes gars, j'suis sous le soleil et j'me balade. Ne m'appelle pas, j'suis pas là. J'active mes comptes, j'suis avec mon bras, j'suis sous le soleil et j'me balade. D-Mice, on est là, photo. Le téléphone fait que sonner, désolé, j'suis pas là. Et gros, amant, tu vas parler, et ton ma tête est malade. Khaled, classique, les clims, frérot, aïe aïe aïe. J'me tire d'ici. Ne m'appelle pas, j'suis pas là, la la la la la la la. J'désactive mes comptes, j'suis avec mes gars, j'suis sous le soleil et j'me balade. Ne m'appelle pas, j'suis pas là. À la bien mix party, c'est dans les bacs la famille. Fnac, iTunes, à moins de 10 balles, Arrez, Eco Plus, aïe aïe aïe. L'artiste baby. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap entre 20h et 21h avec ce morceau déconnecté, ce morceau qui est en train de faire un carton. Hein. Ouais, c'est abusé. Avec Kaina Samet, avec Rimka, avec l'artiste qui était là aussi avec hier nous. Hier soir, il était avec nous hier soir. Non, c'est un très très très bon morceau. Ah, il y a des arrivants. Il y a des arrivants, des gros arrivants. Dans le studio de Planète Rap. Des arrivants sur les le poteau Bim Bim est parmi nous. Ouais. Tu portes l'Angleterre ? De quelle Angleterre ? C'est la Hollande. Ah, c'est la Hollande ? Merde. Ah oui, c'est orange. Un peu daltonien en fait. Non, mais voilà. Je disais ça Angleterre parce qu'il y a une chicha qui vient d'arriver dans le studio. On est en mode rouge là. Ça va ? Ah là, je crois qu'en fait, tu peux faire la couleur que tu veux. Momo filme ça pour ceux qui ont les images. Ça, c'est les frérots. Fumax, la famille, ils sont là. Ça, c'est une chicha de compétition. C'est hein. Une grosse chicha de compétition. Une grosse, grosse chicha de compétition. Et tu peux la voir aussi sur le clip Déconnecté sur YouTube. Et c'est avec ça que je fais mon introduction. Donc alors a priori par contre dans le studio ça va supporter l'Angleterre hein, parce que ça c'est couleur anglaise. Ouais, j'ai vu qu'il y a des petites couleurs anglaises. Bon, Bim Bim lui ça, il se met aux couleurs qui fonctionnent en ce moment. Il est en mode hollandais. Il s'est mis hollandais d'un seul coup, on sait pas pourquoi. Il est en mode hollandais. La Hollande ils ont mis combien déjà 5-1 à l'Espagne. Ouais. Et 3-2. C'était les premiers qualifiés. C'est 3-2 hein, hier. 3-2 hier. 3-2 ouais. Et c'est pour ça que tu portes les couleurs de vainqueur. Et puis il n'y a pas que pour ça, on aime bien la Hollande. L'autre pays du fromage, bien sûr. Le fromage, bien sûr. Bien évidemment. Bon, sur Skyrock entre 20 et 21, donc d'autres personnes que tu veux présenter peut-être. Ouais, j'ai une personne que je vais présenter qui vient d'arriver. Parce que j'attends E-Rise aussi qui va arriver. DJ E-Rise qui est un producteur aussi avec qui j'ai taffé. C'est lui aussi qui a fait la prod avec Charisma sur Le fameux E-Rise. Le célèbre E-Rise. Et donc là, j'ai un invité de marque avec moi. J'aime beaucoup son talent. Donc je l'avais invité pour mon projet l'année dernière et cette année. Donc il a répondu présent et c'est un artiste qui a beaucoup beaucoup de talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il s'appelle Najim. C'est un artiste rail et il est ici avec nous. Donc bienvenue à toi Najim. Salut Fred. Ça va Najim ? Salut, big up la famille. Ça va, alhamdoulilah. Ça fait un petit moment ? Ouais, on est là. Hein. Quelles sont les nouvelles ? Bah j'ai arrêté la musique. Ça y est, t'as arrêté ? Sauf pour Amida. Voilà, on c'est peut ça. Dire ça comme ça. Un projet une fois par an ? J'ai arrêté la musique, je me suis mis au Free Fire. C'est vrai ? Ouais. Voilà, j'ai deux déchirures musculaires, ça va mal, je suis ruiné de partout. Et voilà. Ah c'est ça, en même temps, je vois que ça. Ça, ouais. Pris, hein. Ça gonfle. Ça gonfle. Ça gonfle de partout. C'est un pote à Bim Bim, je crois. Non, mais sérieusement, non, tu continues la musique quand même. Ouais, toujours, toujours. Là, j'ai mon album qui. Je prépare mon album, ça se passe super bien. J'ai l'album qui va arriver. Voilà, gros projet intitulé Révolution. Big up à Rise qui est en route. Et bon, big up à toute mon équipe. Puis on en parlera après. Et le morceau s'appelle Retour aux sources. Retour aux sources, c'est un morceau qu'il a fait aussi avec Jazzy. C'est un rappeur qui est produit par aussi Rise, Quantize Records. Et c'est un morceau que j'ai bien aimé. Qui fait super super été, donc voilà. Et bon, on l'écoutera. Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs maintenant ? Qu'est-ce qu'on va balancer ? Si tu veux, on peut se balancer le retour aux sources et après on le refera en live. Et bah terrible, et on peut balancer maintenant pour avoir un petit aperçu, on en parlait. Pas de problème, vu que je l'ai pas encore écouté. C'est pas vrai. Pas encore écouté, je te jure. Ah. Ça veut dire que tu n'as pas acheté la compil d'Amida ? Pas encore, non. Je l'ai piraté par contre. C'est un bon signe. Allez, on l'écoute maintenant sur Skyrock. Je vous laisse vous démerder entre vous. Le morceau extrait de la bien mix party. محليك عشان اللي عاشق الحلوة قصبة ولا مرة طويلة وبيانة خلوة ياسبو فيتري رامن تاي جل شتاتو عسكاي اي اي اي Najim, Jay-Z, retour aux sources à la Mia Mix Party depuis le 2 juin dans les packs, la famille. Chaque été c'est Marrakech, laisse à ta meuf ça, il laisse tomber, c'est pas la peine. Au quartier y'a plus d'équin, on est tous au bled. Je passerai au Sénégal à côté de mec. Des joueurs de Ligue 1, des grossistes en paquet. Ma chanson montée, Christophe Bren est au taquet. Demande à Amida, Maroc, Tunisie, Algérie. Salem inévitable, le Brésil mettait pas à gué. Vas-y, Raïsé, Salomon, Cantis, on met le Dawa. Je me rappelle avec son Isso, la Medina. Agadir, je suis rendu une canne d'Hawaï. A Gaza avec Ramo, un gosse, un Gawa. Prospère de Nike Air. Big up à Alger, Djerba, N-Boss ici. Rouge vert sur le drapeau, c'est pas le Portugal, imbécile. J'pars avec mon équipe, faire du jet ski. Ici les problèmes, on les esquive. C'est mon cocktail et ma chicha. Au platine, DJ Hamida. Maghreb à la capitale. Présente Salon Nord le 13, aïe aïe aïe. Big up Ali de Londres, Trab, on est là, 7-8, aïe aïe aïe, Makenwello. مازال حبابي في كازا وحرني ولا وش دوما مازال صحابي في تاير عليهم راني سوال. C'est Skyrock et c'est Planète Rap, donc le morceau dont on parlait à l'instant. C'est avec monsieur Najim, Jay-Z, et c'est produit par Airize. Donc ouais, c'est un petit délire été, retour aux sources quoi. Ça bon, fait plaisir, je viens de l'écouter, il est chaud hein. Alors oui, puisque toi tu l'avais pas écouté jusqu'ici. Je me suis déjà imaginé sur les routes de bled, de blé là. Avec 40 degrés sur la tête. Ah ouais, on connaît tous. Vous avez été content du mix, c'est pas de reproche. Ouais, super, rien. De toute façon, même s'il y a une reproche, là, c'est trop tard. Allez, c'est trop tard, ouais. Je peux rien faire. Éventuellement, l'étrangler. Non. Mais c'est tout. Ouais, non, c'est bon, frérot. Il a des gros bras, le poteau. Hein. Non, franchement, ça fait plaisir. C'est un bon son. Et puis, voilà, je pense que c'est un son qui parle de lui-même. J'invite tous les refrains à aller acheter la compile. C'est normal, c'est le but, c'est pour ça. Donc, moi en sortant, j'irai l'acheter demain, Inch'Allah, après le Jumu'ah. En sortant demain. En sortant demain, j'irai l'acheter, c'est promis. C'est promis, donc voilà, écoute, on a déjà une promesse. Si vous aussi vous avez récupéré, tiens, envoyez-nous les photos, allez-y, vous les balancez. Ouais, j'en reçois beaucoup de photos hein, sur mon Facebook, sur mon Instagram, des gens qui achètent la compile, ça me fait super plaisir. Il y a plein de gens qui mettent des vidéos déconnectées aussi, j'ai vu, ils envoient des vidéos déconnectées. Je reçois beaucoup de vidéos de gens qui font des selfies, ils sont en mode déconnecté. J'en reçois au moins une centaine par jour, c'est abusé. Donc, et voilà. Continuez pour les photos, c'est sur Skyrock.fm. On regarde tout, il n'y a pas de ou problème. Via l'application Skyrock aussi, ça arrive, vous regardez les photos qui arrivent. Fredo, je suis là, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une jeune fille qui s'appelle Satine, magnifique, qui nous envoie sa photo. Ça aurait été bien avec l'album au milieu, là. C'est déjà pas mal. Continuez à envoyer des photos, c'est sur skyrock.fm ou alors avec l'application Skyrock. Pendant qu'on est en train de démarrer dans le studio, la chicha anglaise pour supporter a priori l'Angleterre. Il y a des supporters anglais ici, face à l'Uruguay. Et on annonce. On aurait dû, par contre, on aurait dû supporter, alors ça aurait été peut-être un autre genre d'émission. La Colombie qui est qualifiée directement. On vient de l'apprendre là à l'instant, c'est ça, hein, qualifier la Colombie 2-1. 2-1, Momo ? Oui, c'est ça, 2-1. Voilà. Merci, Momo, d'être toujours aussi au taquet. On attend d'écouter un autre morceau, peut-être ? Ouais, si tu veux, ben on va balancer le. Hadi Mavi d'Oriental Impact, des frérots de Nantes, et Shaba Maria, une grande chanteuse que j'aime beaucoup, et c'est quelqu'un, c'est une très très bonne amie. Donc je passe une grande dédicace à Oriental Impact, les mecs de Nantes, et au frérot Saïd, et, qui est le manager de Shaba Maria. Donc grosse grosse. Shaba Maria, on peut expliquer, c'est vrai qu'elle avait posé avec Rimka aussi du 113, Rimka, notamment, mais. Bled avec Rof. Voilà, avec Rof, ouais. elle a fait beaucoup de morceaux, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connu, respecté dans la musique. Oui. Du Maghreb, justement. Dans la musique du Maghreb, c'est quelqu'un qui est très très connu, très très respecté et super humble. Donc c'est ce que j'ai bien aimé sur la demoiselle. Et je m'entends super bien avec son manager. Donc voilà. Et on a fait un clip à Dubaï qui va sortir à partir de la semaine prochaine sur ce clip-là. Et bon, on le balance maintenant sur Skyrock. C'est parti. Oriental Impact. Aïe aïe aïe. سعيد سيرفو شاب غيت مع لبالي ربي وحده هو اللي عالم واش تصنع يغريك وعي هو الكوسكوس دعون توت لي شيشا ريشيرش دو كيشا غيب تو زوريانا en direct de Dubaï ma gueule le matin rêvé près de toi c'est Aïcha comme Disha hey el moussiba big up le Jason de Montpellier Younes une poitrice de tête à la khatr wa'ran tounes mgharba J'attends jaillir les soirées de ouf, laisse-toi aller, que du plaisir pour tes oreilles, et ça ne fait que commencer. Viens t'ambiancer, coupe la dynamite à ces dangers, oublie tes problèmes, et pour l'instant, allez, viens danser. Marie Raïe, chérie, elle est où elle est déjà, elle est allée. La halle belle, je vais, que ça va, elle dit ma vie. Yo, man, ça va, on est déjà, Marie, c'est la halle belle. Nantes, le 4-4, Bilal, Moltes, la clique de Dubaï, on est où? Aïe aïe aïe! Non mais, mets-toi à l'eau quoi? On veut tous la vie d'Aloca! Tout le monde est corda! Dans ton poli d'où ta corda. A tout temps sur la boisson t'as mangé l'oubia. Aide Lila, une nage de Lyon. Évite les Herrera ou la Blonde. PG sont des vrais bonhommes. Zirf le bled au Toulon. Raï raï chéri, elle est où elle est déjà y'a halali. La halabé li chbir, que ça halala. Aide ma vie. Youma nassahar ou n'est déjà. L'assiste à Shaba Maria sur le morceau Aide ma vie. Aïe aïe aïe. Rosé sous le soleil de la tête aux orteils. On déverse du bon son dans tes oreilles. On les fans au vernis, c'est des bouteilles. Je demande à Regla de se pesquiser comme s'ils souviennent. Pour qu'ils se souviennent, on va jouer à la Moltesse. En tête de cortège, tu plaides à la tête. Sous la piste, on t'emmène, tu crois dans un S. Lève le bras si tu sais pas, je t'arroule à serre de Nes. Viens t'enchailler, soirée de ouf, laisse-toi aller. Que du plaisir pour tes L'album oreilles. Est dans les bacs, la famille. Aïe aïe aïe, depuis le 2 juin disponible sur iTunes en Fnac, va le chercher la famille. Oublie tes problèmes et pour l'instant allez. Bim bim! Raï raï chérie, elle est où elle est déjà y'a halali. La halle belle chbir, que ça va rare, hadi ma vie. Nous m'en sahar, on est déjà, bغيت la halle belle. Rabbi wahdou, هو اللي عالم, واش تصرالي. Raï raï chérie, elle est où elle est déjà. Saïd Midi Music, Toulouse. 31 ma couille dédicace Wanis avec nous ce soir. Aïe aïe aïe. DJ Snatch. Aïe aïe aïe. À la bien mix party sur Skyrock à découvrir toute la semaine avec ce morceau Hadi Mavi, un morceau qu'on a clippé à Dubaï qui est super super très très très très, très joli, très très magnifique. Donc on peut voir il y a plein très très joli, très très joli, très très magnifique. Non, ouais, c'est très magnifique, c'est plus que joli. Donc bientôt la semaine prochaine, tu peux capter ça sur ma chaîne. Oui, j'ai demandé où est-ce qu'on peut retrouver tous les clips, toutes les images du sur du YouTube. Prochain. DJ Hamida officiel, c'est ma chaîne officielle, donc il y a tous les clips sont dispo. À partir de la semaine prochaine, on aura ça du bon. Bon, allez, chaque soir, on pose une question pour repartir avec des fameuses chichas électroniques. Okay. Elles sont électroniques, c'est des chichas électroniques. Yes. Il y en a deux chaque soir. Donc ce soir, la question, vous allez voir, elle est très simple, surtout si vous suivez et si vous avez récupéré l'album à la bien mix party. Quelle est la seule chanteuse de R&B ou affiliée au R&B qui est présente sur le projet? Simple. Très simple. Très simple. Franchement, facile. Super simple. Si vous avez la bonne réponse, 41759, vous la balancez. Vous balancez aussi avec le hashtag DJ Amida sur Skyrock. Laissez bien votre numéro de téléphone. On vous rappelle, vous repartez avec avec les chichas électroniques. C'est pour vous, c'est à choper. Il y en a deux. 41759. Tu voulais nous présenter peut-être aussi un ami toulousain qui vient d'arriver. Un ami toulousain, qui moi. Vient d'arriver. C'est un gros talent de Toulouse que j'ai rencontré via son producteur DJ Snatch, un mec à qui je fais des prods. Et il s'appelle Wanis. Je l'ai découvert sur un freestyle de White Boy avec la Cream. Et j'avais très bien aimé sa prestation dessus, donc je l'ai invité sur mon projet. Ça va, Wanis? Ça va tranquillement, et toi, tu vas bien? Bah ouais, moi aussi, je suis ce qui se passe du côté de Toulouse, je t'ai aussi écouté. J'ai vu ça. L'occasion de te mettre dans la nocturne aussi le vendredi soir. J'ai vu ça, ça fait plaisir. Bah faisons par contre un petit CV express pour les gens qui vont te découvrir. Écoutez-moi, je m'appelle Wanis, je viens de Toulouse, au Mirail Ghetto, grosse dédicace à tout le monde, grosse dédicace à Snatch. Bon, pour là, moi j'ai commencé à maintenant 4 ans que je fais du rap. Je me suis fait reconnaître par DJ Snatch et depuis voilà, je suis produit par lui et on avance, on prépare des projets de fou et voilà, je remercie à la Crime d'avoir donné de la force, Ahmida de m'avoir donné de la force. Normal, avec plaisir. À lui aussi. Et voilà, on fait notre chemin comme on peut. C'est ça vraiment, dès l'origine, le concept aussi d'Alabien, c'est associer des gens qui viennent pas forcément évidemment de Paris, mais de partout. Ouais, de partout. Qui sont. Du moment qu'il y a du talent. Connus, voilà, ou connus ou non, ou sans pas être connus ou non. C'est ce que je fais beaucoup, j'aime beaucoup mettre en avant les talents qui sont connus ou non, quoi, mais c'est étant donné que j'ai une grosse audience chaque été, donc c'est mieux de mettre en avant des gens qui ne sont pas pour le moins connus sur mes projets, donc ça fait du bien. Et c'est quoi, c'est fait aussi toi de voyager beaucoup, t'entends des trucs, on t'apporte des trucs, voilà. On te présente des gens. Voilà, c'est ça. Par exemple, Wanis, c'était ça, c'était. Wanis, c'était ça, oui. Puis surtout que je mixe souvent à Toulouse, du côté de l'Entracte, big up à Chieb, donc et voilà, il fallait que je rentre en contact avec lui, quoi. Bon, et Wanis, toi, pour te suivre, c'est où alors? Alors moi, c'est sur Facebook. J'ai deux Facebook, donc le Facebook, la page, c'est Wanis. Et j'ai Wanis officiel Nisso sur Facebook. Vous pouvez m'ajouter, s'abonner à moi, y a pas de souci. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Parce que voilà, on fait comme on peut et encore merci aux personnes qui me donnent la force. Y a pas de problème. Et ben, on écoutera peut-être le morceau ou vous le ferez en live, je sais pas ce qu'il y a de prévu. On va le faire en live pendant que je vais mixer, on va le faire en live. Et ben, on le fera en live, il y aura une session mix tout à l'heure. Ne bougez pas, le retour de Planète Rap spécial DJ Amida, c'est après ça. Comme toi, DJ Amida a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec DJ Amida. Ce soir, il y a du monde qui arrive dans le studio. Il y a du monde qui arrive en retard au studio. Oui, c'est vrai aussi. Du gros monde qui arrive en retard au studio. C'est en train de s'installer, mais parce que tu le sais poteau, que c'est. Le poteau est rise. Tu sais que c'est le roi, sa majesté arrive. Sa majesté arrive à l'heure qu'elle le décide. Comment ça va? Bah, viens dire un petit mot, viens saluer les gens. Et Rice qui est là, qui vient d'arriver. Entre 20 et 21 dans le Planète Rap. Si. Comment ça se passe? Producteur, compositeur, ouais, artiste, part entière. Avec des poulains, toi, qui sont dans le studio, hein? Franchement, ouais, là, on est venu un peu. Il y a l'écurie Quantis Records. On est venu représenter DJ Hamida. Parce que d'abord, c'est la famille. Yes. Parce qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Jamais. Tu vois, on est tous les deux plus forts que les autres. Non, voilà quoi. Et puis bon, comme j'ai produit un petit dessus, il y a aussi Charisma, un petit que j'ai signé qui fait du son, qui a produit aussi. Il y a Jazzy, un artiste à moi qui a posé. Najim qui est là, qui a posé aussi. Kamel est nouveau sur le projet aussi. La famille, on est là, on est ensemble. Il n'y a rien. Donc c'est ton label Quantis? Ouais, Quantis Record, ouais. Où il y a du monde maintenant, tu le dis donc? Ouais, un peu. Un peu de monde, on essaie de faire les choses pour avancer. D'ailleurs, c'est bien que DJ Hamida donne la force aussi. Toujours. Parce que c'est pas tout le monde. Et souvent, ils arrivent à la fin une fois que l'artiste est prêt. Alors, il est prêt, c'est bon, on y va? Non, moi, je suis plus, c'est ce que j'expliquais il y a 10 minutes à Fred par rapport à ça. C'est bien de mettre des talents. Et en plus, DJ Hamida, franchement, moi je tourne un petit peu partout et je te jure que les gens kiffent à mort. Donc, tu reviens de Marrakech, toi aussi, ça veut dire. Ouais. T'as entendu déconnecté de partout, c'est ça? Voilà, déconnecté partout, et puis ça fait plaisir. Bon, bah, il retourne à Marrakech samedi. Ouais, samedi, je retourne. T'inquiète, ouais, samedi, on sera dans son bac, pas très loin. Bon, mais un morceau avant de passer au live, il y a un gros live de prévu dans 5 minutes. Il y aura aussi freestyle par téléphone. Freestyle par téléphone, on le fait maintenant si vous voulez. Et bah ouais, puis on a aussi la réponse à la question que j'ai posée il y a quelques minutes avec Aïcha de Rissorangi. Ça va bien, Aïcha? Allô. Ça va, Aïcha? Salut, Aïcha. Oui, ça va, merci, vous? Bah écoute, en pleine forme, tu connais DJ Amida, il est là, elle a bien mix party. Ouais. Et salut à toi, Aïcha. Et j'ai posé une question juste avant la pub. Oui, quel est le nom de la chanteuse R&B qui est présente sur le projet, la seule chanteuse R&B sur le projet de DJ Amida? C'est Kaina Samet. Eh oui, sur le morceau Déconnecté. Aïe, aïe, aïe, bravo. Allez, toi. Chicha électronique qui arrive à la maison, c'est pour toi. Je sais pas comment t'as fait. D'accord. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est trop dur et tout. Franchement, j'ai lutté, hein. Ça a été dur, Aïcha, je sais. Bah, bravo, ouais. Tu as lutté. Et il y en a une autre aussi qui repart quelque part en France. Il y en a deux par soir à choper. Par soir, voilà, c'est ça. Et bon, on te fait un bisou, Aïcha. Bah merci à vous et bon ouais, franchement Dizer Smita t'as vraiment assuré et merci à toi et, Aïcha. Je sais que là j'ai fait le plein de musique là pour cet été, Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Big up à toi. On t'envoie aussi l'album dédicacé évidemment à la bien mix party. On t'envoie ça, y'a pas de problème. Bisous Aïcha. Bisous Aïcha. Merci, allez, au revoir. Allez, on écoute quel morceau maintenant? Bledna, c'est avec c'est son morceau qui s'appelle Bledna que j'ai fait avec LEAK, des rappeurs issus de Lyon, Villeurbanne précisément. Big up à toi Malik. Et en featuring avec Adèle de Wainaka, un chanteur qui est de Thonon-les-Bains, un chanteur rail. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah oui, tu vas partout toi en fait. Moi je suis de partout. Tu vas à Toulouse, tu vas... Je suis de partout. À Nantes. On m'appelle le gitan dans le milieu. Je suis de partout. Et à Macouyas. Et bon, on écoute ce morceau maintenant sur Skyrock. Aïe aïe aïe. Big up à tout le 6-9. Aïe aïe aïe. LEAK. Maikovic, Robin, DJ Nags, ça dit quoi? Adèle, Wainaka, Nordine, DJ Kif One. Ceux qui nous écoutent derrière les barreaux, big up à toi Yacine de Boule, Van le Grand, aïe aïe aïe. Les SS, garde la pêche. Rami, Toulouse, ça dit quoi l'entraque? On parlera du sol, il faut le jacuzzi Roy. Aïe aïe aïe. Aux enfants à Kalcha, Adem et Ilienne, aïe aïe aïe. Les super warriors, Meknesista il est dans la place poteau. C'est parti. Viva l'Algérie. Et on a Rio, des ballons comme les gonds, on va les gérer. Tu tournes en rond chez nous, tout est carré. LEAK ça va avec ambiance de taré. Que t'aimes ou pas c'est pareil, tu succèdes. Tu dis Hamida, à la belle mix party, toujours excellent. Pour un lion t'attend, je suis détenté. Rapport dans les mains, le fait dans le cœur, on va tout arracher. Ok, grosse, grosse dédicace aux mecs des Vannes des Castignons, la famille. Ils sont là avec nous, aïe aïe aïe. Ta petite, aïe aïe aïe. Ah non, c'est pas fini, hein. Dans les bacs depuis le 2 juin, l'album à moins de 10 balles, ma gueule. Non, qui tune. On va le chercher, on vient le chercher. Risez dans les studios avec le daron Duckness. Aïe, aïe, aïe. À la bien mix party, c'est dans les bacs depuis le 2 juin avec beaucoup de monde ce soir. Beaucoup Najim de monde. Et la Wanis qui nous vient de Toulouse. Wanis qui vient de Toulouse. Raizé le roi est là. Najim. Le Jazzy mon frérot est là. Le daron Dockness, il est où depuis... Ah ouais. Kamel Nouveau est là. Eh oui, Kamel Nouveau qui est là aussi ce soir dans le studio entre 20 et 21. Dans quelques minutes, tous beau monde au live avec toi au platine. C'est ça. Et juste avant, freestyle par téléphone avec Kéfir de Saint-Etienne. Ça va bien, Kéfir? Yeah, Frédérico, ça va? Ça va, ça faisait un petit moment, Kéfir. Yeah, ça faisait un moment et ça fait plaisir de revenir. Eh ben écoute, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe pour toi à Saint-Etienne? Ah bah tranquille, hein, on essaye de passer avec le beau temps, etc. Voilà quoi. Ok, bah on est nous cette semaine avec DJ Hamida, la bien mix party. DJ Hamida, ouais, bah. Pick up à toi, Kéfir. Saint-Etienne. Big up, hein, je pour t'avouer, je connais peu, mais je pense que l'été arrive, les mariages approchent et je vais connaître. Je pense aussi. Là, je pense que je vais connaître ton album par cœur. Ah, t'as tout compris. Bon, on t'écoute un peu, Kéfir, c'est parti, session freestyle. Allez, yes. Par téléphone. Ok, Kéfir, yeah, one mic. Yeah. Tu peux m'entendre sur Planète Rap ou me croiser dans les open mic. Je suis une sorte de reporter comme Harry Rosenmack. Sur ta m'appelle Wikipérap ou l'encyclopédie. Je vais décrocher mon doctorat et je serai aussitôt crédible. Oui c'est vrai, j'arrive de nulle part. Tu te demandes qui est Stockard. Bah tu me tailles un costard avec tes poids tapés de grosses barres. Moi c'est Kéfir, respire, y'a que les faux que je fais fuir. Mais dire c'est ce qu'ils savent faire, à défaut d'investir. Tout le monde a le droit de critiquer mais qui le mérite. Certains commencent le rap, ils veulent déjà qui l'Amérique. J'ai la tech technique, je foque la tectonique. Dis-moi qui veut kicker mieux que moi dans ton équipe. Tes textes sont ni tête ni. Au lieu de prendre le mic, travaille plutôt le pic. Fais-le maintenant, fais-le vite. Appelle-moi KEF ou Monsieur Rap Français. Les wags je mets dans le zep, le ennemi. Je viens renforcer pour toi, je suis, je reste petit MC d'artefact. C'est le comeback, c'est le one mic, il te place comme un quarterback. J'en place une pour Aïda et Frédérico hier. Je touche souvent ma cible, au pire je fais des ricochets. La modestie dans le vide est une valeur qui se perd. Les jaloux savent des vies, des filles, va leur dire de se taire. Moi je suis venu kicker, communiquer. Tout ce qui veut te faire polémiquer, pour liquider, intimider. Les wags les éradiquer. One mic, Kéfir, hier. Yeah. Voilà. Merci à toi Kéfir à l'instant de Saint-Etienne. Pour ceux qui veulent me retrouver, c'est Kéfir sur Facebook et il y a des clips sur YouTube, c'est Kéfir et la page c'est One Mic. Kéfir KEFYR. Merci à toi Kéfir et comme d'hab on te suit, ça roule. Et j'espère, merci beaucoup et je souhaite vraiment bonne chance à DJ Hamida. Frérot. Merci. T'as vu comme il prononce bien? Ouais. c'est les cours, c'est les notions d'arabe que j'ai pris depuis l'âge de. Depuis le ventre de ma mère jusqu'à m'être présent, quoi. Bah c'est écoute, bien, ça marche. Moi, c'est à toi, frérot. Ouais, moi, je suis bloqué sur. Mais je suis un peu trop kabyle. Moi, je suis bloqué sur Azul, Shukran. Ouais, je suis. Mais le reste, j'ai un peu de mal. Fredo Le Guer. Salaud. Allez, c'est parti, c'est sur Mix maintenant. Ok. Avec au micro aussi. Ambiancé par Jay-Z. Yo, on est là, la famille Najim. Un 3 salon nord, plutôt on est là. C'est parti. Si. DJ Hamida. Mirai Ghetto Nisso, DJ Hamida. Non. Marie, que la France garde la belle. DJ Hamida. Attention, dans les packs. Pour les mecs qui sortent de CBA quand il fait chaud. 1-3. Tout le quartier de France. Giovanni Hamza, Smaïn. Autoscritch, Kamel le nouveau. Ben, on a les sons. Dédicace à Bibi. Allez, 7-8. بعدوك عليا واش هذا ناري ناري واش هذا DJ Hamida Nisso Hein bien l'espoir qui est toujours dans les bacs. Allez soutenir le frérot Nisso. DJ Snatch, on vient de Marrakech, Nisso. Couchy. Hein? Anaba. Les épaules. Algérien, Marocain. Ouarana Fes, Nisso. La Kalou, photo. Sony, Kers, Mali. Yeah. DJ Hamida au platine. Dawa. DJ Hamida, attention. Bang. C'est l'artiste baby. DJ Hamida, calma, calma. Viva la vida. Comme c'était du ham ham, j'aurais le rôle du sida. Même si t'es une bagra, viens, c'est la corrida. 1, 2, 1, 2, 3. Viva le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et y'a même mes saracolés. Dédicace à tous mes camfris dans la foulée. Voilà la piscine Miami, on va débouler. Je m'accroche à la villa pour ne pas rouler. Je veux me choupa choup, si tu veux je peux la rouler. J'ai stoppé le pédo, donc faut pas me saouler, hey. Faut pas me prendre la tête, là j'ai pas la taille. J'suis là pour faire la fête. Et du sunshine, hey. Faut pas me prendre la tête. Paris, bye bye. J'm'envole pour Hammamet, pour pêche avec mes sides. Fuck la coke, les ambiances bizarres, les délires de Pablo. T'arrives bizarre, là où je vais, pas besoin de visa. Pas de Youssef, pas de tout, mais my gueule. Hey, Tous les frérots Hebs, qui remet ça. C'est le son qui fait mal à la cabeza. Belle, bonne, grosse ou moche. Billet dans la poche, c'est le son qui amoche. DJ Hamida numéro 1. Bien sur la piste, tout va fan cool. Tram, tram, tram, décolle, décolle. Tu te sens mal, pour à l'hôtel ratatam. Tram, tram, tram. Tram, tram, décolle, décolle. Tu te sens mal, pour à l'hôtel ratatam. Tram, tram. Retour au sourire. الجيم زيدوا معايا مازال احبابي في كازا وحرني واللي وشام مازال صحابي في زير ليواني سوال مازال احبابي في كازا وحرني واللي وشام Rouge vert sur le drapeau, c'est pas le Portugal, imbécile. Je pars avec mon équipe, faire du jet ski. Ici les problèmes, on les esquive. C'est mon cocktail et ma chicha. Au platine, DJ Hamida. Du Maghreb à la capitale. Salon d'or, poteau. 13-3 ans. Macano, la monarque, les bruits sont les mains. Gauche, gauche, gauche, droite. Gauche, droite. Allez, c'est Charisma, nigga. Aïe, aïe. زيدوا معايا قولوا معايا زيدوا معايا Arabian Mix Party toujours dans les packs. Allez soutenir le frérot de Toulouse à Lyon, de Lyon à Panama, Marseille, Nice. Big up le Schwartz. Ouais, et le CK, aïe aïe aïe, aïe, 7-8. À mon pote et le CK. Aïe. W, Walito, toujours affichable, platine comme d'hab, DJ Hamida. Les jaloux ont la haine jusqu'à la médaille. On fait les choses propres, pas besoin de tout. Je viens de voir dans la cour, de péter le son. On arrive. Place tout, butaneuse 9-3. Le soleil pète, on arrête de rosirette. Direction Meknes, DJ Hamida. Casablanca, j'ai pété le mouet. C'est pas les plages de Dou, c'est Marrakech, Kes. Zoknes, Haran, Pichaya, Hamemet, jusqu'à tout. Moi j'ai pas le temps d'être sous la fouette. Dédicace à tous les quartiers de Toulouse. Ni sera, ni sera, ni sera, ni sera. Oui, à la bien. Fais pas la belle, on tacos comme des calchas. J'suis déclassé, j'ai sorti dernier polo Costa. 93, fais le tannos, tu parles au poste. Big up calchas. Rends-toi une poste là. On est plus frais que le marié, même en Costa. On a relancé les taux là, juste au ch'ta. Dédicace à tous nos frères qui sont enfermés. C'est pas leur mur qui empêche qu'on arrête de voyager. On arrive au top, on fait ça mieux qu'eux. Ils sont des pistons, on a des pistolets. Allez, lève tes mains chérie. On est sur la piste et tu sais que ça vient de parier. Tu peux parier que j'arrive, marié au son. On est marié à nos vies, marié à nos villes, marié au pays. Je représenterai toujours les miens, marocains à la vie. Je le fais. Ça chauffe dans ma tête. Aaron, okay. L'artiste, on fait les vibes. Purple Money, DJ Hmida. Ok baby, on fait les bails. Reçu 5 sur 5. Swiffer, surfeur, comme le blond dans Gad. Petit pas de danse comme Michael dans Bad. Wesh les camarades, on s'évade. L'album arrive, hit parade. Danse en gêne, si t'as du swag sur la piste, on t'emmène. Danse en gêne, c'est le son que t'aimes. L'album arrive, demande à double R. Son polo, polo, polo. J'fume plus d'herbe, j'suis plus trop écolo. Fuck les gigolos, les cougars en Red Hardy. On fait la fête même mardi. On fait les vibes, et on recommence. On fait les vibes, et on recommence. On fait les vibes, l'album arrive. On fait les vibes, on fait les vibes. Des fours, Nisso, oh my god. Dédicace à tout Toulouse, Nisso. Allez, monte avec moi. On avec un DJ Hmida. J'ai le flow du roi. Le flow d'Estarossa. Ouais, bienvenue dans ma vie dans l'Ocaniso. Sortez les bolides, on va gérer deux, trois bimbo. Certes, les appels, les vacos de location. Mais il reste qu'un flambier et d'ilben dans ton frigo. Salut-moi, c'est Picasso Nisso. Y'a pas que les peintres qui mettent beaucoup de pinceaux. Ne te trompe pas devant la porte, la gloire. Y'a ceux qui font la queue et ceux qui s'usent des Habibi ou Habibi. On est souvent trop proche de l'ennemi. On tasse lui, Willy Willy. Qui pourra souvent ses valeurs et ses principes. Reste en même avec un milli. Si t'as pas de principe, t'as pas de hein. On a trop d'abdure à l'usine. Ils veulent nous empêcher de rire en nous faisant des guillis. Toutes les communautés qui vivent la vie dans l'Ocaniso. Mirai Ghetto, DJ Hmida. DJ Hmida. Alors bien mix party. Vida l'Ocaniso. Niso. Vida l'Ocaniso. Kader Japoni Melka Vilniso Meli Meli Meli aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, à l'instant en live avec Wanis, avec Najim qui était là aussi avec nous ce soir entre 20 et 21 avec DJ Amida qui était au contrôle au platine. Merci pour cette soirée. Merci à toi. Jazzy Fizou. Merci à toi. Il y avait Jazzy Fizou avec nous qui est arrivé en retard. Si, si, merci pour l'invitation. Qui est là aussi. Pas de problème. Allez chercher cet album qui est extrêmement chaud pour cet été. Vous allez vous enjailler de A à Z. Merci à toi, frérot. Et ben, merci à vous d'être passé. Avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette rapidement. C'est parti, Sarah. Avec Sarah. Skyrock t'offre les premières places pour la première tournée française de Black M. Sarah de Mantes-la-Ville, ça va bien, Sarah? Salut, ouais, ça va. Bienvenue dans le Planet Rap de DJ Amida. Prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, tournée de Black M, deux places pour aller voir Black M au Zénith de Paris. Oh, merci. C'est pour toi, Sarah. Alors, c'est au mois de décembre, mais les places vont s'arracher, donc toi, t'es sûr, t'en as deux au moins de côté qui arrivent à la maison. Ah, c'est génial, trop merci. Et ben, merci à toi, petite dédicace, ça va passer. Ouais, merci tout le monde. Et je viens d'écouter le live, franchement, vous assurez tous. Merci à toi. Terrible. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Sarah. Mais tiens, comme tu nous appelais de Mantes-la-Ville, je voulais avoir une pensée pour le petit qui s'appelle Waïd, enfin petit qui avait 22 ans et qui est parti malheureusement beaucoup trop tôt du côté de chez toi. À Mantes-la-Ville, voilà, une pensée pour ses proches et sa famille. Merci à vous tous pour cette soirée. Merci à vous. Merci à Wanis d'être venu. Amida, demain. Demain, on remet ça. Raïsé le Roi, un petit mot à dire à. Ouais, un dernier petit mot. À la France. À la France. Franchement, allez prendre l'album de Hamida et arrêtez de faire les anciens. Allez le prendre. On n'a pas dit, ouais, YouTube, truc chelou. On a dit, allez prendre l'album de Hamida. Il mérite, ça fait des années qu'il est là et c'est pas pour rien. Merci à toi, frérot. Et c'est. Voilà! Et c'est 10 balles! Enfin, 9,99! Raizé, comment on tient? C'est quoi les prochaines sorties de ton label ou alors ce qu'on peut déjà trouver dans les bacs? Là, on a sorti Jazzy Fizou. Voilà, il a fait son projet qu'on peut retrouver sur très son propre, YouTube. Très propre d'ailleurs. Ouais, il s'appelle Jazzy Fizou, tout accroché. Vous allez sur son YouTube regarder ses clips, tout ça, tout est prêt. Et d'ailleurs, je serai demain à Montpellier. Je vais au Carter Club. Si vous voulez venir me voir, il y aura tout le temps avec moi. Voilà. Bah, allez voir. Généralement, c'est des très bonnes soirées avec Raïs. Franchement, je me rappelle d'une soirée avec Fred, mais après, on m'a dit jamais. À chaque fois que je vais à Skyrock, j'ai un truc comme quoi je dois pas dire cette soirée. Oui, tu as signé un contrat, tu ne dis rien du tout. Mais sinon, ça va te coûter très cher. Voilà. Alors, j'aime moi une nocturne pour Jazzy. Bref. Bon, vas-y, en tout cas, allez chercher l'album de Jazzy. Non, j'ai pas de chantage. Et Nazim, Révolution, très important. Oui. Bientôt, l'album prêt. Il y a plus de rail en ce moment. Ah, bah, il faut du 109. Il y a pas beaucoup de chanteurs de rail dans les radios, tout ça. Ouais. Voilà, d'ailleurs, big up à Hamida encore une fois. Et donc, Najim, allez le follow sur Twitter aussi. Et Charisma aussi, qui est derrière moi. Najim officiel. Voilà, et Charisma derrière moi qui fait du son, du gros son. C'est du lourd. Tout ça. Ouais, il est chaud aussi. Allez follow Charisma 2118 sur Twitter. Voilà. Gros big up à tout le monde. Et ben, merci la à vous. Émission, big up. On connaît déjà. Merci. Big up à Fred. Merci. Big up à Fred. C'est bien d'être attrapé. Merci. Charisma. Big up à toi, Grippin. Et bah, l'épicerie, Daron aussi, attendez. Daron, obligatoire. Bah ouais, Docnet, c'est là. Docnet, c'est là. Wanis, un petit mot, toi, les sorties ou ce qui arrive. Wanis, ben moi, je suis en train de préparer un gros projet qui va arriver très très bientôt. J'ai 2-3 clips dans la poche. Je les sortirai en temps voulu. Voilà, exactement. Et voilà, donc vous voulez me suivre sur Facebook, Wanis, sur Twitter, Wanis, Niso, N-I-2-S-O. Donc voilà, Wanis, W-A-N-I-S, Toulouse, 3100, Mirai Ghetto, grosse dédicace à ma ville et à toute la France. Et merci à tous. Eh ben merci à Wanis, Amida, demain de retour entre 20 et 21. Et 21h. À pas louper, là, je pense que D-Fool. Oui, on est prêt, ouais, t'entends, voilà. L'équipe est là. On parle du foot, là. Là, ben, tu es soufflé, tu as joué au foot. On est à fond, oui, j'ai fait une partie avec Sami et Karim, je leur ai mis 10-0. Ouais, c'est ça, hein. À 2. Je l'entends à ta voix. Il était au Brésil, il a joué avec la Côte d'Ivoire. Ou la Colombie. Ouais, ou la Colombie. Peut-être. Moins fatigué. Bon, merci DJ Amida. Merci à toi, D-Fool. Le retour, c'est demain. Demain. Juste avant le match de l'équipe de France de foot. Tu nous prépares un truc spécial pour demain. Ouais, obligé. Allez, Benzé. Allez, Benzé. Ouais, tous les autres. Et demain soir, on suivra le match. C'est quoi votre pronostic? Il peut y avoir match nul ou victoire de la France ou victoire de la Suisse. Suisse. C'est pas con ça. Je dirais bah victoire de la France quand même. Bah oui, 2-0. Un petit 1-0, c'est 2-0, 2-0, 2-0 c'est fini. Bah oui. Moi je dis 3-0 comme le premier. 3-0, c'est bien, mais t'as raison. Vous êtes patient, les gars. C'est bien, il faut être ambitieux. On finit la Coupe du Monde avec des 3-0 tout le temps. Ouais, voilà. On fera les pronostics dans un instant, préparez-vous. Et RIP l'Espagne, tous mes amis espagnols. Oulala, aussi, pareil, oui. Rest in peace, Spagna. Je vais même plus vous choisir sur FIFA 14, je crois. Hein. Bon, ils vont devenir bidons, de toute façon. Bon, rendez-vous demain. À demain. Juste avant la partie, la grosse partie de la soirée. Yes. Il y aura un clash de la drague demain soir, mais il y aura également France-Suisse. Je vous le rappelle quand même, au cas où vous ne seriez pas au courant. À suivre. Et le match qu'on suivra en direct dans la Radio Libre. Merci Fredo. Salut Fred. De rien, de rien. Salut. Ciao, à ciao. À demain. Et là, c'est parti. On vous attend en direct. Vous pouvez appeler dès maintenant. 01 53 40 30 20. C'est parti jusqu'à minuit. Ciao. Ciao. Et la crime pour démarrer. Envie de mater la Coupe du Monde 2014 avec un nouvel écran.